Je vais dessiner sur le sable son petit visage qui m'est sérieux. Puis elle a vu sur ses plages danser le rage. Elle est disparue. Et j'ai crié, crié à lui pour qu'elle vienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais sous le fait. J'ai mes oisis après son âme, mais la belle dame c'était la vie. J'ai les asiles, sa bouche crade, et sa nuit d'espérer, pour me guérir. Et j'ai crié, crié à lui, pour qu'elle vienne, et j'ai pleuré. J'ai dégagé qu'une série de visages, qu'une nuit de femme se savait mieux. Et j'ai crié, crié à lui pour qu'elle vienne. Et j'ai pleuré.